Bonjour, c'est Safia, votre aromathérapeute holistique. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur un document que j'ai en ma possession là. C'est un rapport de l'organisation à but non lucratif appelée Les Médecins pour un consentement éclairé. C'est une organisation indépendante américaine. Et donc ce rapport parle d'une étude menée sur le vaccin ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole. C'est une étude assez parlante en fait, et malheureusement, c'est pas ce genre d'étude-là qu'on vous met sous le nez actuellement dans les médias ou des choses comme ça. Et je trouve ça déplorable en fait, c'est pour ça que je m'efforce de traduire ce genre d'informations, parce que j'en ai pas trouvé actuellement en français. Donc cette étude est l'étude la plus puissante en termes d'effectifs étudiés. Là, on parle en termes de 2 millions d'enfants étudiés, à la fois des enfants vaccinés et des enfants non vaccinés. Alors bien sûr, ça pourrait bien sûr paraître évident de comparer les deux, mais en fait, je le précise parce que il faut savoir que dans les études menées par les laboratoires pharmaceutiques, qui vont bien sûr dire que la vaccination est sans risque et même bénéfique pour la santé publique, dans ces études-là, ils ne prennent que des enfants vaccinés. Donc, en étudiant les effets de la vaccination sur des enfants vaccinés, on ne peut pas comparer les deux. Donc, l'étude a aucune valeur scientifique. Donc, on est en plein dans la manipulation de l'opinion publique. Donc, ce genre de rapport, ce genre d'information, il est pas facile à trouver. Ce sont des données, moi, auxquelles j'ai accès, et c'est pour ça que je vous les traduis. Alors, cette étude, elle montre que sur le demi-million d'enfants évalués, un enfant sur 640 va développer dans les 2 semaines qui suivent la première injection de ROR des convulsions. Ramené à la population américaine, cela fait 5700 cas d'épilepsie par an. Donc c'est pas rien. 5700, c'est presque 6000. Et là, on parle juste de la population infantile américaine. On n'est pas sur une population mondiale. Donc voilà, je vous laisse un peu évaluer l'ampleur des dégâts. Il faut comprendre que dans cette démarche de consentement éclairé, on doit, pour prendre un choix sain et sûr, il faut comparer les bénéfices et risques. Est-ce que les risques de la vaccination sont moins importants que la maladie qu'elle prétend protéger ou pas? Donc, c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et c'est cette question-là qu'essaye de répondre ce genre d'études, en fait. C'est à cette question-là que ce genre d'études essaie de répondre. Alors, dans cette étude, il apparaît que 5% de la des enfants vaccinés, 5% vont développer une épilepsie post-vaccinale. 5%, c'est énorme. On ne parle pas de 0, et des poussières. On parle de 5%, c'est-à-dire que sur 100 enfants vaccinés, 5 enfants vont développer de l'épilepsie suite à ce seul vaccin contre le ROR. Et il faut savoir en contrepartie que la rougeole, c'est une des valences qui existe dans ce vaccin-là, et c'est la maladie que ce vaccin-là cherche à protéger. Même s'il y a les deux autres valences, c'est essentiellement pour celle-là qu'il a été créé. Donc la rougeole, c'est une maladie bénigne, c'est une infection virale bénigne, c'est-à-dire sans danger, et à court terme. Donc, en revanche, le vaccin contre le ROR, il n'a pas été prouvé comme étant plus sûr que la maladie elle-même. Donc, d'un côté, on a une maladie qui est pas très grave, même pas grave du tout. Et en contrepartie, on a un vaccin qui, dans 5% des cas, peut mener à de l'épilepsie. Je pense que le choix vous appartient. Je suis pas là pour donner mon avis. Je suis là pour apporter des faits. Et en l'occurrence, ces faits-là sont assez parlants. Donc, pour un consentement éclairé, il faut avoir connaissance de toutes les données. Actuellement, le débat de la vaccination, de la santé publique, essentiellement dans ce pays, ça fait beaucoup de remue-ménage, on parle beaucoup avec les patients. Et finalement, on se rend compte que les gens sont de plus en plus embrouillés, ils ne savent plus quoi penser. Et en fait, c'est fait exprès. On cherche à embrouiller vos esprits pour que finalement vous puissiez finalement vous conformer aux directives sans vous poser trop de questions. Sauf que moi, je vous les pose, les questions. Les questions, c'est qu'est-ce qui est le plus risqué ? Quand on a le choix entre deux choses, on prend la chose la moins risquée. D'un côté, on a une maladie qui va faire l'immunité de son enfant. De notre côté, on a un vaccin qui prétend protéger contre cette maladie-là, mais qui risque de provoquer, dans 5% des cas, de l'épilepsie. Sachant que c'est un vaccin qui ne protège pas contre la maladie, en fait, c'est pas uniquement ce vaccin-là, tous les vaccins prétendent immuniser, or ce n'est pas une immunisation. Pourquoi on vous demande de faire des rappels? C'est parce que la vaccination n'a absolument aucune similarité avec le virus vivant lui-même. C'est très simple. Vous attrapez la rougeole une fois dans votre vie et puis c'est fini, vous ne l'attraperez plus de votre vie. C'est comme ça que fonctionne l'immunité naturelle. C'est pour ça qu'il y a des virus, qu'on les attrape, qu'on s'immunise et qu'on est protégé à vie. C'est le cas pour la rougeole, c'est le cas pour la varicelle, pour plein d'autres maladies. Donc, d'un côté, voilà, on a une maladie qu'on ne peut attraper qu'une fois. D'un autre côté, on a un vaccin qui a un risque de provoquer une épilepsie et qui, en plus de ça, va demander des rappels. Donc normalement, logiquement, si on vous fait une injection de rougeole, vous êtes censé être immunisé à vie et puis c'est tout. Sauf qu'on doit vous faire des rappels. Parce qu'il faut comprendre que la vaccination ne fonctionne pas du tout comme les virus naturels. L'immunisation provoquée par la vaccination, c'est quelque chose de synthétique, c'est quelque chose de forcé, et l'immunisation du corps humain ne répond pas de la même façon. Donc il va y avoir des anticorps qui vont se développer suite à l'injection, mais ils vont diminuer dans le temps, ce qui fait qu'il faudra refaire une injection plus tard. C'est pour ça qu'il y a des rappels. Donc les enfants font les rappels, et puis plus tard dans la vie, ça continue quand même à diminuer. Alors bien sûr, il y a des variantes en termes de virus, ça dépend lequel, etc. Mais globalement, c'est comme ça que ça marche, et globalement, c'est pour ça qu'il y a des rappels prévus. Alors, je souhaite revenir sur un incident qui s'est passé dans une école au Canada. Il y a eu une épidémie de rougeole qui est survenue. Donc, on a tout de suite incriminé les parents qui n'avaient pas fait vacciner leurs enfants en disant que voilà, depuis que les gens ne font plus vacciner, il y a une recrudescence des maladies et que c'est à blâmer, etc. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la moitié des enfants qui ont été touchés par cette épidémie-là, donc ils sont tombés malades, étaient vaccinés. Donc, si la vaccination était efficace, pourquoi sont-ils tombés malades? Donc, d'un côté, on a une maladie qui n'est pas grave, D'un autre côté, on a un vaccin qui prétend la protéger, qui demande des rappels. On se rend compte que finalement, ben, les enfants peuvent quand même attraper la rougeole. Bon, là, je parle du cas de la rougeole, mais c'est aussi le cas pour d'autres maladies. Et moi, j'ai des cas concrets, des cas pratiques, hein, de patients qui m'ont rapporté des choses comme ça. Et qui, en plus de ça, c'est un vaccin qui a un risque de provoquer une épilepsie. Alors, l'épilepsie, c'est un trouble de dysfonctionnement cérébral. Donc, quand un vaccin risque de provoquer un dysfonctionnement cérébral à vie, après, c'est quelque chose de chronique à vie. Donc, les dommages collatéraux sont irréversibles, hein, en l'occurrence. Voilà, je pense que là, j'ai posé les bases d'une bonne réflexion pour que chaque parent puisse, au cas par cas, se poser les bonnes questions et prendre un choix éclairé en fonction des éléments qu'ils ont en main. Pour prendre un choix éclairé, il faut avoir tous les éléments en main. Donc, ben moi, je vous les donne. Je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube que j'ai faite à propos du ROR, où j'explique plus en détail ce qu'est le ROR et comment je soigne la rougeole. C'est quelque chose de très très très simple à soigner, hein. Alors il y a bien sûr le rôle de la protection de l'allaitement, il y a plein de choses. Donc je détaille tout ça dans cette vidéo là. Donc si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à cette vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Oui, je voulais aussi vous dire qu'il ne faut pas vous laisser attraper par les peurs qu'on essaie de vous véhiculer. On va vous dire que la rougeole tue. Donc le mot tuer, ça fait peur aux parents. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que sur les milliers, même les millions d'enfants qui attrapent la rougeole, il n'y en a que très très peu qui meurent. Et ce qu'on sait encore moins, c'est dans quelles conditions ils ont été traités, dans quelles conditions ils ont attrapé la maladie. Parce que c'est bien beau de dire qu'il est mort suite à la rougeole, mais il faut savoir dans quel état de santé il était en attrapant la rougeole. C'est cette question-là qu'il faut se poser. Donc, il ne faut pas faire des conclusions trop hâtives. Et de nos jours, c'est ce qu'on fait à longueur de temps, des conclusions hâtives. On se dépêche de tirer des conclusions sans regarder toute l'image, quoi, tout le tableau. Il faut vraiment prendre du recul et regarder toutes les conditions. Un enfant qui a une immunité au ras des pâquerettes, qui a un côlon irritable, avec un état inflammatoire accru, qui est dans un sale état, entre guillemets, cet enfant-là, s'il attrape la rougeole, s'il n'a pas été allaité, s'il mange mal, s'il est très carencé, cet enfant qui attrape la rougeole, là, oui, il y a un risque. Mais c'est pas la rougeole qui l'a tué, c'est tout ce qu'il y avait avant. La rougeole n'a fait que l'achever, entre guillemets. Mais je vous parle de ça, mais ce sont des cas extrêmement rares. On est sur des 0,000 et quelques pourcents, alors que sur un vaccin, on parle de 5%. Donc sur 100 enfants, il y en a 5 qui vont développer une épilepsie à vie. Donc leur cerveau est bousillé à vie. Voilà, donc je pense que je vous ai donné suffisamment d'éléments pour prendre votre décision, pour mieux comprendre ce qu'est tout ce phénomène de la vaccination et tout ça, et que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Je suis pas là pour faire de la propagande, je suis là au contraire pour résister à cette propagande-là de masse et revenir à des faits concrets, scientifiques. Moi, je n'aime pas du tout brasser les passions, je n'aime pas du tout ces débats passionnels qui n'aboutissent rien parce qu'on parle dans le vide, on brasse du vent. Moi, j'en reviens aux études scientifiques menées sérieusement, éthiquement et sans conflit d'intérêts. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.